J'y suis tous les ans, mais cette année, c'est particulièrement important parce qu'on est dans l'après les événements d'Orlando où une bombe a explosé, un attentat terroriste a eu lieu parce qu'il y avait des gens qui vivaient librement leur sexualité. C'est d'autant plus important à ce moment-là d'envoyer un message au monde. Le Québec est une terre de liberté. On y croit profondément, c'est dans nos valeurs. Maintenant, dans le monde, on sait qu'on n'est plus à l'abri de ces événements-là. Toutefois, je sais qu'ici, nous avons inscrit nos droits dans des lois. Les droits des gays sont protégés. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'événements tristes comme ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est pour ça que ces messages-là de solidarité, de plaisir de vivre ensemble, de liberté sont importants.